Chapitre 10e, le pavillon de cristal. Pour explorer la villa, étudier, chercher, voir enfin, Paulin Broquet avait un peu plus d'une heure. La belle Miss Hidden ne paraissait qu'à la fin de la deuxième partie, qui durait une heure environ. Elle devait ensuite quitter son costume de scène, se démaquiller et reprendre ses habits de ville. Tout cela était assez long. Paulin Broquet pensa que ce temps, toute cette heure, lui suffirait amplement pour obtenir ce qu'il venait chercher ici, mais il n'y avait pas de minute à perdre. Il allait donc maintenant, résolument, gardant encore dans les yeux la radieuse apparition de Miss Hidden sur les marches de l'escalier, enveloppée dans son long plaid. Il admirait sincèrement l'énergie de cette femme, qui, fortement blessée, souffrante, tenait quand même à paraître en piste ce soir, à ne pas manquer au programme. Cependant, il se disait, pour qu'elle vienne ainsi, blessée, au cirque, il faut, malgré son courage, qu'une raison impérieuse l'y attire. Paulin Broquet, pendant la première partie du spectacle, avait moins regardé ce qui se passait sur la piste que fouillé, de ses yeux perçants, parmi les rangs des spectateurs. Il cherchait à voir si, après tous ces événements, il apercevrait, il reconnaîtrait dans la salle un des personnages qui se trouvait engagé dans cette affaire, un des Anglais ou des Américains, un des gentlemen parlant espagnol qui occupait une loge l'autre soir et qui, après le spectacle, s'était retrouvé chez Martins. Il espérait peut-être aussi apercevoir la femme aux cheveux teints en fauve qui était si singulièrement intervenue à la place Clichy après le meurtre de la petite danseuse Bianca. Dans ce cas, abandonnant pour ce soir la maison mystérieuse avec ses lieutenants, il se fut lancé sur la piste de ces gens aux allures bizarres, pour savoir si entre eux il n'existait pas d'entente, si ce n'était pas une bande, si, comme le soupçonnait M. Baumier, chef de la sûreté, on ne se trouvait pas une fois de plus en face du terrible Zigomar. Mais durant toute la première partie du spectacle, Paulin Broquet ne remarqua rien. Pendant l'entracte, il fit une promenade dans le couloir desservant les loges, passant ainsi au milieu du public et il ne reconnut personne. Il put donc penser que par prudence, ces gens, qu'ils fussent ou non inspirés par Zigomar, n'avaient pas tenu à paraître au cirque et à entrer de nouveau, ce soir, en communication avec Miss Hidden. Alors il crut aussi qu'il lui était possible d'aller directement et promptement perquisitionner chez la plus belle, mais aussi la plus mystérieuse des femmes. Maintenant, il se trouvait à la villa. Pendant ce temps, Miss Hidden paraissait sur la piste et recueillait plus encore que de coutume les acclamations de la salle enthousiasmée, enfiévrée. Miss Hidden ne portait aucun bandage au front, c'est-à-dire qu'aucun linge blanc n'apparaissait. Sa blessure se trouvait dissimulée sous une masse de cheveux bruns que retenait un large ruban de velours noir. Son cou était garni d'un collier de perles noires de toute beauté, de rareté extrême, de richesse infinie. Son bras mystérieux, était entouré d'un ruban de velours noir comme celui des cheveux. Mais, dans celui-ci, quelques diamants étaient piqués qui scintillaient à la lueur des lustres et ressemblaient à de grosses larmes roulant sur une écharpe de deuil. En entrant sur la piste, Miss Hidden, comme précédemment l'avait fait Paulin Broquet, chercha des yeux dans la salle. Elle non plus ne vit rien, n'aperçut personne. Elle eut un sourire de mépris. « Lâche !» murmura-t-elle. Et elle grimpa à son trapèze. Son numéro fini, en hâte, sans se soucier des rappels chaleureux, elle monta dans sa loge, s'habilla fiévreusement. Peu après, enveloppée dans un grand manteau, elle sautait dans sa voiture automobile et se laissait emporter au plus vite vers sa demeure, vers son énigmatique villa. Paulin Broquet, au moyen d'une échelle d'acier en tube d'aluminium, qui se pliait à sa volonté et ne pesait que très peu, avait gagné le faîte du mur entourant la villa. L'amorce le suivait. Avant de s'engager sur le mur, Paulin Broquet, homme de toute prudence, étudia ce mur, l'examina soigneusement. Avec une sorte d'appareil formé d'un bâton de bois, comme une canne d'alpiniste, terminée par une longue pointe de cuivre, il sonda le mur, puis la crête de ce mur. Ce bâton, muni de cette pointe de cuivre à l'une de ses extrémités, portait à l'autre un assez long morceau de ces câbles souples dont on se sert en électricité. Cette canne était en résumé une sorte de paratonnerre portatif. L'amorce avait dit à Paulin Broquet qu'il y avait dans la villa probablement des signaux électriques et peut-être des pièges manœuvrant par l'électricité. Dissimulé dans le parc, il devait blesser, paralyser, tuer ceux qui, ne les connaissant pas, serait passé dessus. Paulin Broquet voulait éviter d'être électrocuté. Avant de s'engager, de faire un pas, il tenait à être sûr que son pied n'allait pas toucher une de ces mines perfides, déclencher un de ces pièges nouveau modèle. Avec son paratonnerre, il sondait. Si la pointe de cuivre venait à rencontrer un de ces pièges électriques, une étincelle jaillirait du fil et avertirait le détective du danger. Ayant bien étudié le mur, s'étant dûment assuré qu'il ne recelait aucune désagréable surprise électrique, Paulin Broquet fit glisser l'échelle d'acier de l'autre côté et descendit dans le parc avec son fidèle Lamorce, dont le rôle de cicérone allait aussitôt commencer. « Il est étonnant, » avait dit Lamorce à son chef, en lui rendant compte tantôt de sa mission, « il est étonnant que Miss Hayden, habitant une ville assez grande, et en vérité fort difficile à garder, n'ait chez elle aucun chien de garde. » Mais Paulin Broquet, qui n'avait qu'une confiance très limitée dans la bonne garde des chiens, lui avait répondu « Miss Hayden se garde autrement. Il est probable qu'elle se contente des gardiens fournis par la science moderne, gardiens qui ne sont pas susceptibles d'être mis en défaut par la clarté de la lune, ou un morceau de fromage de gruyère comme le meilleur des chiens. » Paulin Broquet, au demeurant sceptique, ajouta, montrant sa canne, « Des gardiens fidèles, incorruptibles, sûrs, fils des derniers efforts du progrès, et qui sont cependant infidèles eux aussi, et se trouvent à la merci d'un bout de cuivre. » Maintenant, marchant pas à pas, et après avoir piqué chaque fois son bâton en terre, il s'avançait plein de confiance vers la villa. Tout semblait dormir dans la maison qui apparaissait blanche sur le fond sombre des arbres. Pas une lumière ne brillait aux croisées. On entendait dans le parc le bruissement musical et berceur des feuilles sous la caresse de la légère brise, que le chant des oiseaux de nuit, la romance d'un rossignol ou l'appel d'un pinson qui changeait de branche avec un petit cri. L'ombre des arbres venait sur la pelouse qui se déroulait devant la maison comme un magnifique tapis. Elle couvrait tout un côté de la villa. C'est par ce côté gris, sous cette ombre propice, que Paulin Broquet comptait pénétrer dans la maison. « Nous trouvons là, lui dit Lamorce, un jardin d'hiver, qui n'est fermé que par une porte de fer et de carreaux, mais dont la serrure m'a paru difficilement crochetable, si toutefois elle est fermée. » Paulin Broquet et Lamorce, protégés par l'ombre des arbres, arrivèrent donc sans encombre jusqu'à ce pavillon. Ils étaient munis des outils les plus perfectionnés de cambriolage, car Paulin Broquet prétendait que, pour être bon détective, il fallait être encore meilleur cambrioleur. Lui, il était passé maître en l'art d'ouvrir les serrures les plus compliquées, de pénétrer dans les maisons les mieux gardées. Mais il n'eut pas à utiliser ici ses talents. La porte du pavillon servant de jardin d'hiver était seulement fermée au moyen d'un loquet. La porte, comme toute la serre d'ailleurs, tout le pavillon, était formée d'une armature de fer dans laquelle se trouvaient enchâssées des glaces de cristal assez épaisses. Trois des côtés de ce pavillon de cristal se trouvaient ainsi constitués. Le quatrième était le derrière même de la maison. Un perron de quelques marches de marbre reliait la maison à ce jardin d'hiver. Sur les trois côtés du cristal, des bandes de paillassons étaient rabattues. Elles devaient protéger du froid de la nuit et des effets de la lune qui pouvaient produire, même ici, un très grand refroidissement, un rayonnement occasionnant la gelée, mortelle pour les plantes de pays chauds dont cette serre était garnie, ainsi que l'avait fort bien remarqué Lamorce. Dans ces paillassons qui se roulaient et étaient remontés durant le jour, une ouverture pratiquée, ou plutôt une bande de paillassons non déroulée, laissait voir la porte du pavillon de cristal donnant sur le parc. Paulin Broquet s'approcha de cette porte. Tout d'abord, avec sa canne indicatrice d'électricité, il s'assura que le système de fermeture ne comportait aucun danger. Il interrogea encore avec la canne électrique les armatures des vitres de cristal. La canne ne rendit aucune étincelle, ne lui révéla par conséquent rien de suspect. « Allons-y, » dit-il. Il se décida à ouvrir cette porte. À vrai dire, il s'attendait à avoir à se servir de son matériel de cambrioleur pour l'ouvrir, mais elle n'était fermée qu'au moyen d'un loquet commandé par un bec de canne extérieur. La porte s'ouvrit sans difficulté sous la simple pesée de la main du détective. Elle tourna aisément sur ses gonds, livrant passage. « C'est bien facile, » fit remarquer Paulin Broquet avec inquiétude, « trop facile. » « Sans doute, » répondit Lamorce, « on se croit ici assez gardé par les pièges électriques du jardin, et l'on pense que jamais les intrus ne pourront arriver ici sans que leur venue soit depuis longtemps signalée. »« C'est possible, » Allons, nous verrons bien. » Paulin Broquet pénétra donc le premier dans le pavillon de cristal et fit passer l'amorce. Mais il prit la précaution, avant d'abandonner cette porte, de placer, entre le volant et le battant, une cale de bois, destinée à maintenir la porte ouverte, pour favoriser le retour, la fuite, si cela devenait nécessaire. « Ouf !» fit Paulin Broquet, « qu'il fait chaud ici. Il fait plus chaud que sous les tropiques. » En effet, la température était très élevée, plus que généralement dans les serres. « On y fait pousser non seulement des orangers, dit l'amorce, mais des cocotiers. » Le pavillon était plongé dans l'obscurité. Toutefois, un peu de la clarté blafarde et faible de la nuit venait du dehors par la porte de cristal. Cette clarté faisait comme une tache moins sombre sur l'allée sablée du jardin, et encore, cette lueur s'éparpillait-elle dans les rameaux d'un gros palmier chevelu qui s'épanouissait à deux pas de la porte. « Venez, chef, dit l'amorce, prenant Paulin Broquet par le bras, je vais vous conduire. » Mais Paulin Broquet, tout en ayant la plus grande confiance dans l'amorce, ne se contenta pas de cette aide. Il voulait malgré tout y voir un peu. Il alluma sa lampe électrique de poche, munie pour la circonstance d'un verre bleuté qui couvrait l'ampoule. Cette lampe jetait un rayon suffisant pour s'y reconnaître, se guider, mais qui n'avait pas assez d'éclat pour être remarqué et provoquer l'alarme. Alors, prudemment, mais plus sûrement, Paulin Broquet et l'amorce firent le tour de la caisse contenant le gros palmier central. Ils s'avancèrent dans une sorte d'allée formée par d'autres arbres précieux et des fleurs rares, posés sur des étagères, puis ils se dirigèrent vers le perron de marbre qui reliait la maison au pavillon de cristal, marchant lentement pour ne pas faire grincer le gravier répandu sur le sol. Ils grimpèrent les quelques marches de ce perron et se trouvèrent enfin devant la porte de la maison. Cette porte était fermée. Cela expliquait à la rigueur pourquoi celle du pavillon de cristal donnant sur le parc était laissée ouverte. « Voilà le moment délicat, » fit Paulin Broquet. Il se mit à tâter la porte, à l'étudier, à la vérifier également avec sa canne indicatrice. La canne ne lui révéla encore ici aucun agencement électrique. Mais Paulin Broquet, en même temps, se rendit compte que sous les moulures Louis XV qui ornementaient la porte, se trouvait une armature en fer. Et cette porte n'avait pas de serrure de ce côté. « Oh oh !» fit Paulin Broquet. « Voilà quelque chose de fâcheux. Comment se fait-il, l'amorce, mon ami, que tu n'aies pas remarqué cela ?»« Chef, je m'en accuse, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. La porte de la journée était ouverte. Je ne pouvais pas me douter. Je vous demande pardon. » Paulin Broquet n'écoutait même plus son lieutenant déconfit. Il avait, avec sa lampe, minutieusement étudié cette porte. Non seulement elle n'a pas de serrure, mais elle n'a même pas de gond apparent. Bien plus, elle est encastrée dans un cadre d'acier qui la met absolument hors d'atteinte des pinces monseigneur les plus perfectionnées. Chef, je suis désolé. Bon, bon. Fit Paulin Broquet, n'insistons pas, rien à faire ici. Allons, c'est une tentative manquée. Si on essayait de passer par une autre porte, pas le temps, mon garçon. Mais si Eden va bientôt revenir du cirque, nous serions découverts. Le mieux, le plus sage, vois-tu, est de rentrer. Nous en serons quittes pour revenir demain. Paulin Broquet descendit du perron et se guidant avec la lueur bleue de sa lampe électrique, il se dirigea vers la porte du pavillon de cristal qui, tout à l'heure, leur avait donné si facilement accès. Une nouvelle et désagréable surprise l'attendait là. La porte de cristal était fermée. Tout près du battant, à peine déplacée, se trouvait la cale de bois. La porte, absolument fermée, ne laissait même plus passer de lueur blafarde comme tout à l'heure, car devant elle, le paillasson, ainsi que sur les autres parois, se trouvait abaissé. Cela s'était fait sans le moindre bruit. Sans que Paulin Broquet, qui cependant était doué d'une finesse d'ouïe extraordinaire, eût seulement pu s'en douter. En constatant cela, Paulin Broquet aussitôt se rendit compte de la situation. « L'amorce, mon ami, dit-il avec calme, notre présence ici est signalée. Je le crois, chef, dit l'amorce avec la même tranquillité. Nous sommes pincés, ridiculement pincés, ça m'en a tout l'air. Comment allons-nous sortir d'ici ? Paulin Broquet revint à la porte de cristal. Commençons par nous donner de l'air, dit-il, car vraiment on étouffe ici de plus en plus. Il prit dans sa trousse de cambrioleur un diamant de vitrier et il essaya de couper une des glaces de cristal. Mais contre son attente, le diamant glissa sur la vitre, refusant absolument de mordre. Cependant, dit Paulin Broquet, c'est un bon diamant dont je suis sûr, pourquoi ne mord-il pas ? Paulin Broquet essaya encore à diverses reprises. Il frotta le diamant contre son veston pour le nettoyer. Le résultat fut le même. Il vint à un autre carreau, essaya de le rayer et n'obtint pas plus de succès. Alors il passa un doigt sur le verre. « J'y suis. Je sais pourquoi le diamant ne peut mordre. » On s'attendait peut-être à cela. Et on a enduit les carreaux d'une couche de vaseline. Il remit donc son diamant dans sa trousse. « Si on en cassait un ?» demanda l'amorce. « Puisqu'on sait que nous sommes là, un peu de bruit ne nous trahira pas davantage, et nous aurions au moins de l'air. Cassons les vitres, si tu y tiens. » L'amorce prit la canne du chef et frappa. Le verre vola en éclats. Par l'ouverture, l'amorce passa la main. Il espérait trouver le paillasson. Mais il poussa un cri d'étonnement. « Chef, il y a une plaque de fer. Je m'en doutais. » Entre la paroi de cristal et le paillasson se trouvait un rideau de tôle ondulé, comme en ont les devantures de magasins. Ce rideau de tôle, abaissé, formait une cuirasse qui mettait le pavillon de cristal à l'abri de toute attaque venant du dehors et retenait prisonnier, comme dans une cage d'acier, ceux qui se trouvaient seuls dans cet étrange jardin d'hiver. Le bruit de la vitre causa du tapage, mais il semblait que ce bruit n'avait pas été perçu au dehors, car personne ne bougea, personne n'accourut. Le même silence angoissant régna. « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? » demanda l'amorce, qui commença à s'énerver. Très calme, Paulin Broquet répondit « Attendre. »« Attendre quoi, chef ? Attendre qui ? Nous le verrons bien. »« Car enfin, chez qui sommes-nous ici ? » ?»« Chez la femme rousse. » »« Oui, chef, mais qu'est-ce que c'est que cette femme rousse ? La plus belle des femmes. » La plus douteuse aussi. Que veux-tu dire, mon bon Lamorce? Un doute subsiste. Quel doute? Écoutez, chef, je peux vous le dire maintenant, ici. Nous cherchons à savoir, Gabriel, moi, ma pipe, Simon, tous vos hommes, enfin, nous n'y arrivons pas. À l'heure terrible, où Paulin Broquet était chez Ulma, prisonnier de Zigomar, quand la cartouche de dynamite allait faire explosion, pourquoi la femme rousse vous a-t-elle sauvé? Est-ce par pure admiration pour le grand policier, le vaillant que vous êtes? Est-ce par simple sympathie ou bien est-ce par amour? La femme rousse seule peut te répondre. Attendez, chef. Après vous avoir sauvé, vous, pourquoi, à l'heure où Zigomar était vaincu, l'a-t-elle arraché à son tour aux mains vengeresses de Paulin Broquet? Pourquoi cette fuite avec le corps pantelant du bandit dans cette auto de course au volant de laquelle se tenait cet autre bandit, Tom Twig? Insondable mystère du cœur féminin, répondit simplement Paulin Broquet. Et maintenant, c'est à elle qu'on vole des bijoux, et c'est elle qui empêche Bianca de parler, de nous donner les moyens de trouver les voleurs, l'assassin. Et c'est elle encore qui nous prévient et veut empêcher le meurtre de la petite danseuse. C'est vrai. Nous n'y comprenons plus rien. Moi non plus. C'est même pour essayer de résoudre cet inquiétant problème que je suis venu ici ce soir, et que nous sommes tous les deux dans cette serre chaude où nous étouffons. Car il me semble vraiment que la chaleur augmente encore. Oui, chef, je suis tout en nage. L'amorce reprit. Encore une fois, chez qui sommes-nous, en étant chez la femme rousse, chez l'ami de Paulin Broquet ou chez l'associé de Zigomar? Paulin Broquet répondit. Cesse, mon bon l'amorce, de poser une question à laquelle les événements qui vont suivre peuvent seuls nous répondre, et attends, comme moi, ces événements. Le détective épongea son front et s'éventa avec son chapeau. Qu'il fait chaud, mais qu'il fait chaud, fit-il. Avisant un banc, il alla s'asseoir. Ouf! S'écria-t-il, fais donc comme moi. Puis, prêt à faire face à toute éventualité, à soutenir toute lutte, Paulin Broquet, absolument calme en se trouvant dans cet inconnu angoissant, éteignit sa lampe pour ménager la lumière et roula dans l'obscurité une cigarette. Ce n'est plus un jardin d'hiver, dit-il, c'est un hammam. Tranquillement, il se mit à fumer. L'amorce, qui ne décolorait pas, s'assit à côté de son chef. Et en s'épongeant aussi, en s'éventant, il attendit, n'osant plus parler. Le silence, un lourd silence, pesa dans le pavillon de cristal. Puis, des branches d'arbres doucement craquèrent, des feuilles de palmier lentement s'agitèrent, et le gravier des sentiers grinça faiblement. « Quelqu'un !» fit tout bas l'amorce. Paulin Broquet lui posa la main sur le bras. « Ne parle plus » fit-il, « écoute !» Le gravier des sentiers grinça encore. Les feuilles s'agitèrent et les branches craquèrent à nouveau, mais cette fois plus près des deux détectives. Paulin Broquet alluma sa lampe. Il en promena les rayons, d'ailleurs très faibles, autour du banc. Il ne vit personne. Le banc était appuyé à une des parois de cristal. On ne pouvait donc surprendre, par derrière, en traître, les détectives. Ils étaient de taille à répondre à toute attaque venant de face. Sans bouger, silencieux, ils attendirent encore. Les mêmes bruits feutrés, lourds, longs, se firent entendre, se rapprochant d'eux de plus en plus. Mais tout à coup, l'amorce ne put retenir un cri d'effroi, d'épouvante. Un corps pesant, flexible, froid comme glace, et répandant une odeur putride, l'enserrait par les épaules. Il voulut se lever, ce lui fut impossible. Se débattre, il n'en eut pas le loisir. Il était retenu au banc, serré de plus en plus, lentement, effroyablement écrasé. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda vivement Paulin Broquet. L'amorce, ployée en deux, à demi étranglée, étouffée, ne put faire entendre qu'un râle, un cri d'agonie. Mais Paulin Broquet projeta un rayon de sa lampe électrique vers son lieutenant. À son tour, il ne put retenir un cri d'horreur. L'amorce se trouvait pris dans les replis tortueux et terribles d'un énorme serpent, d'un boa. Paulin Broquet posa promptement sa lampe à terre. Pour y voir, durant la lutte qu'il allait entreprendre, il se jeta à la tête du boa. Il chercha à lui saisir le cou, qui est la partie faible du colosse rampant. Mais c'était s'engager dans une lutte folle, inutile, car le boa, sans abandonner l'amorce, glissa, se déroula et parvint à enserrer aussi Paulin Broquet. À ce boa, un autre vint se joindre, puis un troisième s'approcha, et le groupe fantastique de Lacoun, luttant contre les serpents, se trouva ici, dans ce pavillon de cristal, reproduit au naturel, de la façon la plus épouvantablement vraie, la plus tragiquement réelle.